Les comités préparatoires internationaux et régionaux, les organisations démocratiques internationales, ainsi que les formations politiques et sociales et personnalités de divers pays du monde, ont adressé aux grands hommes pectosan sans égal les fanions, médailles, titres d'honneur, prix, diplômes et présents à l'occasion du 5e Festival international en l'honneur des grands hommes pectosan. Les fanions au dirigeant suprême Kim Jong-un par le comité préparatoire international en l'honneur des grands hommes pectosan 2017 et les comités régionaux d'Asie-Pacifique, d'Afrique, d'Arabe, d'Amérique, d'Europe et d'Océanie. Les médailles d'honneur et le certificat de citadin d'honneur au président Kim Il-sung, au général Kim Jong-il et à Madame Kim Jong-soo, héroïne anti-japonaise, par l'association Australie-République populaire démocratique de Corée pour l'amitié et la culture, et le gouvernement de la ville de San Miguel de la province de Bolivar, Équateur. Les diplômes au président Kim Il-sung, au général Kim Jong-il et au dirigeant suprême Kim Jong-un par l'association culturelle Manuel Scorsa du Pérou et le comité pour l'amitié et la solidarité Bangladesh-Corée. Les certificats au président et au général coréen par la Fédération internationale de fonds de paix de Russie et les diplômes de grand homme du siècle au général et au dirigeant suprême coréen par l'association d'amitié Sri Lanka-Corée populaire. La médaille commémorative du 50e anniversaire de la Fondation et le certificat de dirigeant d'honneur au dirigeant suprême coréen par l'Organisation de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine et la Fondation d'enseignement Sukarno Indonésie. Le prix Kim Jong-soo, héroïne de la République populaire démocratique de Corée par la compagnie à responsabilité limitée Home de Mongolie, le diplôme de grand héros du siècle par l'Association des journalistes népalais, les certificats par le Parti socialiste populaire mexicain, l'Association russe pour l'amitié et la coopération culturelle avec la République populaire démocratique de Corée, le groupe de solidarité russe avec la République populaire démocratique de Corée et l'Association des journalistes asiatiques du Koweït. Les présents au dirigeant suprême Kim Jong-un par le comité préparatoire mongol pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes pectosan 2017, le comité préparatoire chypriote pour le dit rendez-vous et l'association de culture et d'amitié Chypre-Corée, l'organisation de solidarité des peuples d'Asie et d'Afrique, l'association d'amitié avec la Corée, l'association d'amitié Laos-Corée, l'association d'amitié Pectosan-Tchèque-Corée, l'association Finlande-Corée, le comité équatorien pour la réunification indépendante et pacifique de la Corée, l'association de Guaranda-Équateur pour l'amitié et la solidarité culturelle avec le peuple coréen, le secrétaire général du comité central du Parti socialiste populaire mexicain, le secrétaire général du comité central du Parti communiste népalais marxiste-léniniste, le président du Parti pour la patrie libre du Brésil, le secrétaire général du Front populaire péruvien des ouvriers, paysans et étudiants, le président de l'association d'amitié Slovénie-Corée, l'administrateur général de la compagnie limitée Ji Shengchang de Beijing, Chine, et le directeur général de la compagnie allemande de Voldnet d'Asie.